19-18. Observation, le temps qui passe. Conjugaison du passé composé. Continuer. J'ai continué. Tu as continué. Elle a continué. Nous avons continué. Vous avez continué. Ils ont continué. Arrivé. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Elle est arrivée. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Ils sont arrivés. Notez que les formes des participes passés ci-dessus sont identiques du point de vue de la prononciation. Même si vous observez quelques variations orthographiques dans le cas de « arriver ».